بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معنا الدرس الأخير في كتاب الطهارة. Aujourd'hui le dernier cours dans le livre de la purification. إن شاء الله تعالى عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Selon معاذة رضي الله عنها qui dit j'ai interrogé Aïcha رضي الله عنها en lui disant comment se fait-il que la femme menstruée elle va rattraper les jours de jeûne et ne rattrape pas la prière. La femme qui a les menstrues, elle rattrape les jours de jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière. Comment se fait-il? Fakalat haruriyatun anti. Aïcha, elle a répondu en disant, est-ce que tu es une haruriya? El haruriya, c'est un groupe parmi les khawarij. Un groupe parmi la secte des khawarij. Elle lui dit, est-ce que tu es haruriya? Kultu lestu bi haruriyatin walakin ni es'el. Elle dit, je ne suis pas une haruriya, je ne fais pas partie de cette secte. Cependant, je demande. Alors Aïcha radiallahu anha, elle a répondu en disant, Kana yusibuna dhalika fala nu'maru bi qada'i as-sawm aw fa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salat. Et donc Aïcha, elle a dit, cela nous arrivait, cela nous touchait, c'est-à-dire les menstrues. Cela nous touchait, nous les femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous touchait. Et nous étions ordonnés, il nous était ordonné de rattraper les jours de jeûne, mais il ne nous était pas ordonné de rattraper les prières. Muttafaqun alayhi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fi had al-hadith, ahammiyatu al-wudu'. Wa anna al-insan qad yakunu sababan fi kawni an-nas yusi'una adh-dhanna. Et donc, il y a dans ce hadith l'importance de la clarté, le fait d'être clair dans tes propos, dans ta façon de faire. Et le fait que chaque personne peut être la cause du fait que les gens vont penser du mal d'elle. Il se peut que tu sois la cause du fait que les gens, ils pensent du mal de toi. Et ce à cause du comportement de la personne et de ses paroles. Les gens vont donc penser du mal. Est-ce que lui, il fait partie de telle secte? Pourquoi est-ce qu'il dit des choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait des choses comme ça? Et donc, la personne, par ses propres agissements, va être la cause que les autres pensent du mal d'elle. Fait as-sunni yatakallamu bikalamin wadih. Et donc, celui qui suit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va donc utiliser des paroles claires. فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتْ Aïcha, radiallahu anha, dans ce hadith, elle a dit, أَمُعَذَا, est-ce que tu es haruriya? وَالْحَرُورِيَّةَ فِرْقَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ كَمَا ذَكَرْتُ سَبِقًا. Et الْحَرُورِيَّةَ, c'est une secte parmi les khawarij, comme je l'ai cité précédemment. قالت هذا لأن الخوارج هم الذين يرون وجوب قضاء الصلاة للحائض إذا طهرت. Aïcha, pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Elle a dit cela parce que les khawarij, ce sont eux qui voient qu'il est obligatoire à la femme touchée par les menstrues de rattraper les salats. Il est obligatoire à la femme qui a été touchée de rattraper ses menstrues, la femme qui a été touchée par des menstrues de rattraper les salats qu'elle a ratées. Ça c'est que les Khawarij, la secte des Khawarij qui voit ça. Voilà pourquoi quand Mu'adha, elle est venue, elle a dit comment se fait-il que la femme qui a les menstrues, elle doit rattraper le jeûne mais ne doit pas rattraper la prière. Aïcha tout de suite, et haruriyatun anti. Est-ce que tu es haruriya? Et donc, il faut faire attention aux paroles qu'on va dire, qui parfois peuvent être ambiguës. La personne qui suit la sunna, elle est claire. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda, je vous ai laissé sur la voie claire. Tu ne dois pas être ambigu dans tes propos, mais tu dois être clair dans ce que tu fais. ثم مما يؤكد أهمية الوضوح أن معاذة لما سمعت عائشة رضي الله عنها تقول أحرورية أنت قالت لست بحرورية تبرأت من هذه الفرقة في لحظة واحدة. Et parmi les éléments qui montrent l'importance de la clarté, le fait que Mu'adha, lorsqu'elle a entendu Aïcha dire « Est-ce que tu es Harouria ?» elle a tout de suite dit « Je ne suis pas Harouria. » On est clair. On est clair. « Je ne suis pas Harouria. » Tout de suite, elle s'est désavouée de cette secte. Tout de suite, elle n'a pas attendu. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, des gens qui jouent droite, gauche, mais au final, t'es quoi ? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu vois la personne qui va propager des paroles sur Internet, ses propres suiveurs ne savent pas s'il est avec eux ou pas. Ils ne savent pas. Quelle voie tu suis ? Pourquoi ? On veut attraper tout le monde. On veut attraper tout le monde. Alors, on utilise des propos généraux sans que les gens sachent qui on est. Mais venez, venez, venez. Al-Muhim, venez, venez. On ne va pas parler de ce qui fâche. On ne va pas parler de ce qui fâche. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on veut, attraper les gens. Ce n'est pas guider les gens, c'est les attraper. On veut rassembler un maximum de personnes. Laissez-le hadith, il y a le raï al-mahmoud al-dabdu'at. Ce caractère, cet objectif, il n'est pas louable chez les prédicateurs. Il ne t'est pas demandé de rassembler dunya. Il ne t'est pas demandé d'avoir tous les gens qui te suivent. Il t'est demandé de dire aux gens la vérité. Les gens t'ont suivi, alhamdoulilah, ils t'ont pas suivi, alhamdoulilah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de certains prophètes, Uridat alayya al-umma, la communauté m'a été présentée. La communauté, c'est pas la communauté de Mohammed, c'est toutes les communautés. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. J'ai vu le prophète, un prophète qui avait avec lui un nombre compris entre 3 et 10. Et j'ai vu un prophète qui avait avec lui un ou deux hommes. Et j'ai vu un prophète, il n'y avait personne avec lui. Est-ce que tu vas changer la vérité pour que les gens te suivent ? Non. Tu dis aux gens la vérité. Tabaran, bien entendu, avec la hikma, tu dis aux gens la vérité. S'ils acceptent, alhamdoulilah, s'ils n'acceptent pas, tu n'es pas responsable. Fasda bima tu'mar. Allah Azza wa Jal qui dit fasda bima tu'mar. Dis clairement ce qui t'a été ordonné. Dis clairement ce qui t'a été ordonné. Et donc, il est important d'être clair. Il est important d'être clair, les frères, cela est un sujet important. Wa. لما علمت عائشة أن السؤال لم يكن سؤال جدال وإنما هو كان للاستفهام أجابت. Lorsque Aïcha a su que ce n'était pas une question pour polémiquer ou pour débattre, mais que c'était une question vraiment pour savoir, Mu'adha ne savait pas, elle voulait savoir. Alors lorsque Aïcha a vu ça, elle a répondu. وفي هذا دليل على وجوب قضاء الصوم أو الصيام للحائض. Il y a en cela le fait qu'il est obligatoire à la femme qui a ses menstrues de rattraper les jours qu'elle a manqué, les jours de jeûne qu'elle a manqué. وفيه أيضا عدم مشروعية القضاء أو قضاء الصلاة. Et il y a en cela le fait qu'il n'est pas légiféré de rattraper les prières qu'elle a manquées. Il n'est pas légiféré pour la femme qui a été touchée par des menstrues, de rattraper ses prières. Et ça, c'est donc l'avis chez certains savants, ils citent l'unanimité. Cheikh al-Najmi, dans son explication, il a cité que Al-Shafi'i, Ibn al-Mundhir et d'autres ont cité l'unanimité des savants. Et ils n'ont pas tenu compte de l'avis des Khawarij. Ils n'ont pas tenu compte de leur avis. Leur avis n'a pas de valeur, on ne prend pas compte. Tous les autres, unanimité des savants sur le sujet. Le fait que la femme, elle rattrape ses jours de jeûne, mais elle ne rattrape pas les prières. La femme touchée par les menstrues. Fait lam yakul bi wujubi qada as-salat illa al-khawarij comme on a dit. Et donc il n'y a que les khawarij qui ont dit que il est obligatoire de rattraper la prière. طيب لو جاءنا رجل وكفر جميع حكام المسلمين وقال انا لست بخارجي لانني لا ارى Si une personne elle vient nous voir ici à la mosquée et elle nous dit tous les gouverneurs musulmans ce sont pas des musulmans, tous ce sont pas des musulmans, comme on a vu la dernière fois, tous ils sont pas musulmans, mais par contre moi je suis pas un khariji, je fais pas partie de la secte des khawarij. Pourquoi? Parce que moi je vois qu'il n'est pas obligatoire à la femme touchée par les menstrues de rattraper ses prières. Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit Khalidji quand même. Il te dit, je vois pas que c'est obligatoire à la femme qui a été touchée par les menstrues. Ah, les Khawarij, عندهم usul. Et donc les Khawarij, ils ont plusieurs fondements. Ils ont pas. C'est pas par ce sujet-là seulement qu'on peut dire qu'une personne, elle est. Elle fait partie des khawarij. فَلَا يُشْتَرَتْ فِي شَخْصِ أَنْ يَسْتَجْمِعَ أَوْ أَنْ يَجْمَعَ أُصُولَ فِرْقَةٍ لِيُنْسَبَ إِلَيْهَا. Ce n'est pas une condition qu'une personne, elle rassemble tous les fondements d'un groupe afin qu'on puisse dire telle personne fait partie de tel groupe. C'est pas obligatoire qu'elle soit d'accord avec tous les fondements de ce groupe-là. بَلْ يَكْفِي يكفي أن يوافقهم في أصل واحد حتى يقال هذا خارجي. Cependant, il suffit que la personne soit en accord avec eux dans un seul de leurs fondements. Un seul de leurs fondements, ça suffit pour qu'on dise lui, c'est un khariji. Regardez Aïcha dans ce hadith. Aïcha, ماذا قالت أحرورية أنت. Est-ce que tu es une harouria pour un seul sujet? Elle n'a pas regardé. Attends. Elle n'a pas dit qu'est-ce que tu dis chez les gouverneurs, qu'est-ce que tu dis chez ça, qu'est-ce que tu dis chez. Direct, elle a dit Ahruriyatun Ant. Et donc, le fait que la personne soit en accord avec une secte sur un seul de leurs fondements, ça suffit pour que la personne soit affiliée à cette secte-là. Faites un abbehu, alors faites attention. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est l'inverse. Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il faut que tu sois en accord avec tous les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il faut que tu sois en accord avec tous les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. طيب وهناك مسائل متعلقة بالحيض لم نتطرق إليها وهي كثيرة جدا. Il y a beaucoup de sujets concernant les menstrues qu'on n'a pas abordés. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, ici, nous sommes dans un livre de hadith. Et qu'en général, dans les livres de fiqh, dans les livres de jurisprudence, vous allez voir plus de sujets qui sont abordés. Plus de sujets qui sont abordés. Ici, par exemple, l'auteur, il met comme condition qu'il cite que les hadiths qui sont dans As-Sahihayn. Les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc forcément, il va aborder moins de sujets qu'un livre qui va aborder plus de hadith. Et min al-masa'il allati yakthuru dhikruha ma su'ila anhu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah idha ishtabaha 'ala al-mar'a damuha fa lam tumayyiz hal huwa hayd aw istihadah. Et donc il y a une question qui a été posée au Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Et concernant la femme qui ne sait pas distinguer son sang, elle ne sait pas si c'est le sang des menstrues ou le sang des métrorragies. Donc elle ne sait pas si c'est le sang des Lochis ou le sang des métroragies. La question numéro 240. Sous il a fardu la tchèche, rahimahullah. إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أو دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره؟ Et donc le cheikh il fut interrogé si la femme elle ne sait pas distinguer son sang, est-ce que c'est le sang des menstrues ou le sang des métroragies ou autre que cela. Alors comment elle considère ce sang là? فأجاب فضيلته بقوله الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة. Et donc le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah il répond, la base concernant le sang qui sort de la femme, bien entendu des parties, la base concernant le sang qui sort de la femme, c'est que c'est le sang des menstrues, tant qu'il n'apparaît pas clairement que c'est le sang des métroragies. Alors cette femme doit donc considérer ce sang comme étant le sang des menstrues, tant qu'il n'apparaît pas que c'est le sang des métroragies. Voilà la réponse du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Mais le cheikh, il se base sur quoi pour donner cette réponse? Normalement, attendez. Le cheikh, il se base sur quoi pour répondre à cette question? On a vu au début du cours la différence entre Al-Haid et Al-Istihada, entre les menstrues et les métroragies. Et aidez-vous de ça pour la réponse. الحيض هو عند الحيض عنده وقت محدود ولونه احمر وذو رائحه كريهه نعم ولكن الاستحاضه هو لا يجوز الصلاه في هذا الوقت اما بالنسبه للاستحاضه فلونه ترابي يجب الصلاه به والعلاقه الزوجيه والصيام نعم ولكن وليس له وقت ليس له وقت ولكن لماذا الأصل في الدم الخارج من المرأة هو الحيض أنا نفس لا نفس pourquoi la base dans le sang qui sort de la femme c'est le sang des menstrues rappelez-vous à cause des périodes c'est-à-dire quand une femme elle sait à quelle période elle a ses menstrues. Vas-y. Nam. Peut-être le fait de dire que tu es en bonne santé jusqu'à preuve du contraire. Voilà, tout simplement. Barakallahu fik. Al-aslu fil insan annahu sahih hatta yatabayyan annahu marid. La base chez les gens, c'est que la personne elle est en bonne santé jusqu'à ce que il apparaît que la personne elle est malade. Tu vas pas arriver le moindre truc, ah, il est malade. Non, la base c'est que tu es en bonne santé, jusqu'à ce qu'il apparaisse que tu sois malade. Et on a dit au début, le premier cours, on a dit d'amistihada, le sang des métroragies, c'est une maladie. Ça vient d'un irq, une veine. C'est une veine qui laisse couler le sang. Et donc c'est une maladie. À partir de là, on doit comprendre bien ce sujet. Le sang, quand il sort de la femme, à la base, c'est les menstrues. Jusqu'à ce qu'il nous apparaisse la preuve du contraire. En fait, non, elle est malade. Et donc, on ne part pas, on ne fait pas le contraire. On ne dit pas non, la base, c'est que la personne, la base, c'est que l'individu est malade. Non, c'est pas ça la base. La base, c'est que tu es en état de bonne santé. C'est pour ça que dans les textes de la législation, Allah, il dit Femen ken aminkum mariedan. Alors, celui d'entre vous qui est malade. Celui d'entre vous qui est malade. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est que tu n'es pas malade. Mais par contre, celui qui est malade, alors le jugement, il change. D'accord? Nam? Normalement, si la femme, elle est en halat tamiz, c'est-à-dire que lorsqu'elle va voir le sang, elle va voir le sang, c'est-à-dire elle sait que ça, c'est le sang des menstrues. Maintenant, il y a un sang, c'est pas le même sang que d'habitude. C'est pas le même sang que d'habitude. Elle ne reconnaît pas le sang des menstrues. Mais jusqu'à là, on n'a pas la preuve que c'est une maladie. Alors, elle le considère comme étant le sang des menstrues. Et si après cela, il apparaît que c'était réellement le sang des métrorragies, à ce moment-là, elle rattrape. Mais elle ne va pas directement en disant « Non, ça n'a pas la même couleur, ou, et donc c'est le sang des métrorragies. » Non, la base, c'est que tu es en bonne santé. La base, c'est « Siha ». D'accord ? C'est important de comprendre ça. Une autre question importante qui a été posée à Cheikh Ibn Oubaz, rahimahullah, à la page 112, le volume numéro 29, Elmar imra'atun tes'el wa taqul. Une femme, elle demande en disant Inna dawrataha ta'tiha kull shahrin khamsata ayyam thumma tatghur thumma ba'daha thalathata ayyam ta'tiha marratan ukhra limuddati yawmayn. Fa hal tatruku as-salat am ta'tabiruha istihada? Ça, c'est un problème qui vient régulièrement. Et donc le cheikh Ibn Oubaz, il fut interrogé. Une femme, elle dit que ses menstrues, elles viennent chaque mois, durant 5 jours. Ses menstrues viennent chaque mois, durant 5 jours. Puis elle est purifiée. Puis après 3 jours, les menstrues reviennent et restent 2 jours. Et donc elle a 5 jours de menstrues. Puis 3 jours, on est à 8. 3 jours de propreté, on est à 8. Puis 2 jours de menstrues, ça nous fait 10. Qu'est-ce qu'elle considère ? Est-ce qu'il y a 10 jours de menstrues ? Ou alors il y a 5 plus 2, 7 jours de menstrues ? Ou est-ce que c'est istihada ? Est-ce que c'est métrorragie ? Le cheikh Ibn Oubaz, il dit, rahimahullah, « Iza kanat hadihi al-aada al-mashiya » Naam tasiru adatan muba'ada. Il dit si ce sont des menstrues qui se répètent, c'est comme ça chaque mois. Chaque mois, 5 plus 3 jours de propreté plus 2. 5 jours de menstrues plus 3 jours de propreté plus 2. Ou alors à peu près le même nombre, pas exactement ça, mais il y a une coupure. Le cheikh Ibn Oubaz dit si c'est comme ça l'habitude de la personne, alors ce sont ces menstrues qui sont séparées. Elle n'a pas des menstrues qui arrivent d'un coup, mais elle a des menstrues qui sont séparées. Thalatha wa yawmayn baynahuma tahara. Et donc elle a 3 jours de menstrues, et les 2 jours qu'il y a entre les menstrues, ce sont 2 jours de propreté, il dit le shir. Fa'tabiri kull ayyam hay kull al-ayyam haydan al-ula wal-akhira wa baynahuma tuhrun. Et donc il dit, et donc tu vas compter tous les jours comme étant les jours de menstrues, les premiers jours, ainsi que les jours à la fin, et entre les deux, une période de propreté. Et donc là, la femme, elle ne va pas dire les menstrues au début, après propreté, et après chaque mois, j'ai des métrorragies. Chaque mois, je tombe malade. On reste sur la base, c'était en bonne santé. D'accord ? On reste comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, voilà par rapport au sujet des menstrues. Comme je disais, il y a beaucoup de sujets sur les menstrues qu'on n'a pas abordés. Tout ce qu'on a pu voir parmi les hadiths sur le chapitre, sur le livre de la purification. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous permette de profiter de tout cela, de tout ce khair, de la science qu'il nous a permis d'apprendre à tous. La science qu'il nous a permis d'apprendre devrait avec celle-ci. Et de nous permettre de continuer. On a fini Kitab al-Tahara, le livre n'est pas fini. Il reste encore plusieurs parties. On va commencer, Inch'Allah, dans une semaine, le livre de la prière, qui est un peu plus long que le livre que Kitab al-Tahara. Inch'Allah Ta'ala, on va donc continuer. On demande à Allah qu'il nous accorde une science profitable. Si j'ai dit donc tout ce que j'aurais pu dire de correct, alors cela vient d'Allah. فَإِنْ أَصَبْتُ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنِّي. Et si j'ai pu me tromper en quoi que ce soit, alors cela vient du diable et de moi. Et n'hésitez pas, mes frères, s'il y a le moindre conseil en quoi que ce soit. وَفَقَ اللَّهُ الْجَمِيعِ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.